Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier la FSR de me permettre de présenter ici une partie de mes travaux. Le but de ma communication est d'examiner avec vous les rapports qu'entretient la communauté de l'Emmanuel avec la piété populaire. Ma démarche n'est pas ici d'appréhender le fait religieux par le prisme d'une sociologie des classes sociales, mais à l'inverse, de partir de questionnements de sociologie et d'histoire religieuse pour toucher à la thématique des classes sociales. À travers cet exemple, l'intégration de l'Emmanuel au sein de l'Église catholique, je vais chercher à vous montrer comment, loin de s'opposer une certaine religion par le bas, une certaine piété populaire, et un catholicisme bourgeois, ou au moins des bourgeois, peuvent se nourrir mutuellement. Cette communication s'appuie sur une enquête sociologique menée sur 2 ans à l'EPHE. Dans ce cadre, je me suis intéressé au processus de communalisation de ce groupement, au discours produit sur son histoire, son développement et son rapport entretenu avec le monde paroissial. Mon intervention s'articulera en 3 temps. Après une rapide présentation de l'histoire d'Emmanuel, je vais tenter de montrer comment le recours à une certaine piété populaire a permis à la communauté de se placer du côté d'une histoire de la reprise en main, dans un contexte de contestation intra-ecclésiale, spécialement face au mouvement catholique de gauche. J'insisterai principalement sur le rapport entretenu avec la spiritualité développée autour des apparitions de parémoniales. En effet, depuis le milieu des années 1970, l'Emmanuel organise chaque année de grandes manifestations, spécialement l'été, qui rassemblent des dizaines de milliers de catholiques venus de toute la France. Cette petite ville de Saône-et-Loire est à la fois le lieu de réactivation périodique d'un entre-soi communautaire marqué par une surreprésentation des classes bourgeoises et un lieu profondément ancré dans une histoire et une tradition de la piété populaire française. Enfin, j'examinerai brièvement comment, en se posant en rénovateur de cette spiritualité, l'Emmanuel a su traduire des éléments directement issus du pentecôtisme dans un langage catholique. Voilà, alors rapidement, pour les éléments de contexte, la communauté de l'Emmanuel, c'est initialement un groupe de prières issu du renouveau charismatique catholique, fondé à Paris en février 72 par deux laïcs, Martine Lafitte et Pierre Boursat. Le renouveau charismatique est lui apparu quelques années plus tôt, à l'hiver 67, dans la banlieue de Pittsburgh aux États-Unis. Ce courant du catholicisme a repris un certain nombre d'éléments issus du pentecôtisme, insistant du discours théologique sur les notions de baptême dans l'esprit, même si on parle plus de diffusion d'esprit en terrain catholique pour éviter la confusion avec le sacrement, sur l'expression de charisme, sur une louange vivante, sur la formation du groupe de prière autonome. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est l'effusion de l'esprit, même si je pense que beaucoup de gens le savent ici, c'est un moment de rencontre personnelle avec Dieu qui vient comme ça reconvertir le fidèle, lui donner l'impulsion, à l'instar de l'épisode biblique de la Pentecôte, l'impulsion pour porter le message évangélique face au monde. Voilà. Et ce moment de rencontre personnelle se manifeste par des charismes, c'est-à-dire des dons distribués par l'Esprit Saint. Voilà, alors aujourd'hui, des groupements charismatiques sont implantés dans le monde entier. On peut noter le dynamisme particulier de l'Amérique latine et spécifiquement du Brésil, qui abrite de véritables méga-churches charismatiques calquées sur le modèle protestant évangélique, comme Saint-Nova, Shalom, Familia d'Esperanza, etc. Mais en Europe, c'est la France qui est certainement le pays où le mouvement s'est le plus rapidement et profondément implanté. Elle est le fruit de personnalités qui ont établi très tôt des ponts au début des années 70 avec l'Amérique du Nord, comme le père trinitaire Jean-Paul Régimbal ou le dominicain Albert-Marie Monléon. Aujourd'hui, l'Emmanuel est non seulement le plus important groupement issu du renouveau charismatique européen, mais également l'un des mouvements ecclésiaux les plus dynamiques de France. Elle compte environ 11 500 membres implantés dans une cinquantaine de pays, même si la France en consomme toujours la moitié des effectifs. Au regard de l'itinéraire d'autres groupements charismatiques et plus largement d'autres communautés nouvelles, elle est sans aucun doute la plus intégrée à l'institution ecclésiale. En effet, bien qu'elle soit initialement un mouvement de laïc, comme le dit Claude, elle forme en 2017 80 séminaristes, auxquels viennent s'ajouter 270 prêtres, et ces derniers administrent une centaine de paroisses à travers le monde. 7 évêques anciens mondes sont présents dans l'épiscopat français, et sont nommés évidemment encore vendredi dernier Philippe Christori, qui a été nommé évêque de Chartres. Voilà. De leur côté, les membres laïcs sont à l'origine de nombreuses initiatives associatives et entrepreneuriales qui façonnent aujourd'hui le paysage du catholicisme français. On peut songer simplement au périodique Il est vivant ou l'invisible pour la presse écrite catholique, à l'ONG Fidesco dans le domaine de l'humanitaire, ou encore pour le cinéma, c'est plus récent, à l'entreprise Sage Distribution. La visibilité de l'Emmanuel est également favorisée par la gestion de lieux symboliques comme les sanctuaires parémoniales ou encore le prestigieux domaine de la Trinité des Monts à Rome qui a été confié à la communauté en juillet 2016. Lorsque l'on s'intéresse de plus près à la composition de cette communauté, par exemple en termes de catégories socio-professionnelles, c'est un sentiment d'homogénéité sociale qui domine. Mon corpus d'entretien, par exemple, contient un magistrat, un fonctionnaire, un chef d'entreprise, des cadres, des professions intermédiaires, mais aucun employé ni aucun ouvrier. Les jeunes rencontrés à l'occasion d'observations participantes poursuivent, eux, plutôt des études d'ingénieur, de commerce, de médecine, sont en classe préparatoire, lettres pour les filles, des filières valorisées. Cette impression de biais social n'est pas nouvelle, puisque Olivier Landron, l'un des rares auteur de l'un des rares travaux historiographiques sur le mouvement charismatique français, précise que, On a pu observer que la plupart des fondateurs appartenaient à la bourgeoisie ou aux classes moyennes, relativement rares en effet, sont ceux qui issus des milieux ouvriers. Alors, est-ce à dire que l'Emmanuel n'a pas su élargir son public depuis ses fondations? Non, bien sûr. Parce qu'une simple observation de manifestations comme par exemple les prières pour les malades qui ont lieu dans certaines églises en France et à Paris, à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, dans le 3e arrondissement, ça nous prouve le contraire. Hein, la population qui y va est extrêmement hétérogène avec une dominante afro-antillaise relativement âgée. Il n'en reste pas moins que son vivier de recrutement est à chercher dans les couches supérieures de la société. Cette homogénéité est particulièrement visible à Paris moyenne, hein, d'autant plus visible qu'elle est topographiquement illustrée par la Bourbins, qui est un sous-affluent de la Loire qui traverse la ville et qui sépare réellement, qui fait office de frontière naturelle, entre le Paris religieux et ses sanctuaires et le Paris laïque, qui est marqué, lui, par une tradition ouvrière liée à son usine de céramique et aux cités de cheminots des quartiers sud. Pour donner un ordre d'idée, un petit peu, Paris moyenne à l'année, c'est 9000 habitants. Et chaque été, enfin chaque saison, l'Emmanuel attire entre 25 et 30 000 catholiques. Cette homogénéité sociale se double dans le cas des membres de l'Emmanuel d'une certaine socialisation au catholicisme, d'une certaine manière d'être catholique. On peut la rapprocher de la catégorie des observants développée par le politiste Canarzon du Clésio. Rapidement, ils sont selon lui caractérisés par un très grand attachement aux formes cultuelles, la fidélité aux règles de la pratique prescrite par les autorités romaines à la capitale. Toute la définition, mais en effet, la qualitative de mes enquêtés est passée avec plus ou moins d'écart à la norme par le même parcours. Hein. Famille catholique pratiquante, baptême, première communion, confirmation, scoutisme, aumônerie, service de la messe, un peu plus rare, mais il y en a beaucoup. Pour beaucoup, l'Emmanuel vient donc compléter une vie d'observance et d'engagement et permet d'accéder à une certaine forme de virtuosité. L'entre-soi offert est donc aussi bien social que religieux. Il me semble d'ailleurs qu'il est possible de voir dans ce phénomène une certaine affinité élective entre un entre-soi hérité des utopies communautaires, qu'elles soient revivalistes ou contre-culturelles, dont est issu le renouveau, et un entre-soi travaillé au sein de la bourgeoisie, qui a par exemple largement été étudié par les couples de sociologues Pinson et Pinson-Charlot. Le caractère intensif de l'engagement proposé par l'Emmanuel peut tout à fait contenter une certaine volonté d'endogamie présente au sein de familles catholiques issues de la bourgeoisie. Voilà. Ceci étant dit, l'identité de l'Emmanuel s'est largement ancrée dans un référentiel de la crise catholique, pour reprendre la périodisation de Denis Galtier, qui court de la clôture du Concile Vatican II en 65 à la mort de Paul VI en 78. Elle s'est construite contre un catholicisme supposément élitaire, intellectualiste, qui aurait, par ses compromissions avec le politique et les sciences sociales, participé à la déchristianisation de la société française. Dans cette vision, les classes populaires sont les premières victimes du phénomène. Et cette idée est très profondément ancrée, notamment chez les prêtres que j'ai rencontrés pendant mon enquête. Je cite ici un bref passage d'entretien avec un prêtre qui illustre assez bien l'esprit général de la communauté. Les pasteurs ont joué un rôle un peu néfaste, malheureusement. Ils se sont laissés entraîner par une certaine politisation de la foi. Ils ont envoyé balader toutes les dévotions populaires et ça fait beaucoup de mal. Quand on va dans une église, les statues ont été bazardées et vendues de belles choses, quoi, qui permettaient aux chrétiens de prier. On a toujours besoin de concret. Plus loin, il déclare, l'église pâtit encore de cette perte. Tous les petits en ont pâti. Ceux qui n'avaient pas de structure ont perdu la foi. Ils se sont laissés influencer par l'esprit général matérialiste. On achète des biens pour aller mieux, mais ce n'est pas ça le bonheur. Il y a beaucoup à reconstruire aujourd'hui dans l'Église en France. Il faut beaucoup travailler sur l'enseignement, le retour au sacrement, mais je suis dans une prêtre, c'est facile à dire. Voilà. Alors, cette vision de l'histoire, l'émergence du renouveau charismatique est perçue comme sur un mode mystique, comme un mouvement de reprise en main initié par l'Esprit Saint. L'Emmanuel serait venu apporter, en quelque sorte, un recadrage à l'Église, d'une part par une soumission affichée au magistère, ainsi qu'une bonne compréhension des textes conciliaires, spécialement de la Constitution Lumen Gentium, et d'autre part, et c'est ce qui nous intéresse ici, par un recours à une certaine piété populaire. Alors à ce stade, l'allocution de piété populaire mérite un rapide travail de définition. Pour cela, les exceptions endogènes produites par les textes romains me semblent fournir un premier repère intéressant. Par exemple, dans le directoire sur la piété populaire et la liturgie publié en décembre 2001 par la Congrégation du culte divin et la discipline des sacrements, la piété populaire est caractérisée comme diverses manifestations culturelles de nature privée ou communautaire qui, dans le cadre de la foi chrétienne, s'expriment d'abord non pas seulement les formes de la sainte liturgie, mais en empruntant des aspects particuliers appartenant en propre au génie d'un peuple ou d'une ethnie, et donc à leur culture. Voilà. Cette définition en miroir de la liturgie me semble éluder au moins en partie la pluriversité du terme populaire. Et bon, après, il compare à d'autres termes adjacents, comme la dévotion populaire qui vient exprimer la piété par un ensemble de pratiques extérieures, et c'est la religiosité populaire qui désigne cette idée de syncrétisme avec des conceptions non catholiques régionales. Alors bien entendu, la rigidité de ces distinctions mérite d'être nuancée par l'idée commune de pratiques concrètes, non plus seulement catéchétiques, pouvant être mobilisés tant par le peuple que par l'institution ecclésiale. Comme le résume Philippe Martin dans le Dictionnaire des Faits Religieux, la dévotion, c'est le cœur de l'expérience religieuse. Voilà. Alors, même si les analogies historiques peuvent être tissées à volonté entre les fins du XIXe et XXe siècle, il me semble pertinent de souligner à ce stade de mon développement les volontés communes entre, chez les catholiques intransigeants et ou ultramontains et charismatiques de réinvestir une certaine piété populaire, revenir à l'émotion religieuse contre les dérives supposément intellectualistes et modernes d'une certaine élite de l'Église. À cet égard, Parémonial incarne une passerelle historique tout à fait édifiante qui mérite d'être rapidement évoquée. Je précise ici que mes développements historiques concernant Paray s'appuient largement sur les analyses de Michel Cinquin, disponible dans l'ouvrage de 1480 « Deux pèlerinages au XIXe siècle, Ars et Parémonial » de Philippe Boutry et Michel Cinquin, publié chez Beauchesne. J'ajoute également que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de prendre conscience des travaux de Germaine Lemaitrier, qui portent sur la cohabitation entre catholiques et protestants à l'époque moderne et Parémonial. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre sur l'histoire complète de Parémonial, mais pour ce qui nous intéresse, il faut remonter au XVIIe siècle, avec l'arrivée de Jésuites en 1619 et de Visitandines en 1626 pour combattre la présence protestante précisément. Et c'est dans ce contexte qu'entre 1673 et 1689, le Christ apparaît à une sœur visitandine, Marguerite Marie à la Coque. Ces apparitions ont toutes pour thème le Sacré-Cœur, qui est le symbole de l'amour divin pour les hommes. Lorsqu'on évoque aujourd'hui le message de Parémonial, notamment lors de manifestations d'Emmanuel, deux apparitions sont assez largement mises en avant. Celle de décembre 1673 et de juin 1675, on insiste sur la miséricorde divine qui vient consoler et guérir. Voilà. Cependant, un autre versant de ces apparitions, tel que peu obité aujourd'hui, porte davantage sur une dimension réparatrice et rétributive. Je ne vais pas détailler ici le contenu de toutes les apparitions, mais c'est très certainement l'apparition de juin 1689, un an avant la mort de Marguerite Marie, qui incarne le mieux cet aspect. Voilà. En substance, le message est le suivant. Le Sacré-Cœur est appelé à régner sur le royaume de France et protéger. En échange, le roi Louis XIV doit inscrire l'image du cœur sur les drapeaux et construire un temple en son honneur. Si le roi n'accepte pas à cette requête, la colère divine s'abattra sur le royaume. Et 100 ans plus tard, c'est en référence à ce message, dans ce contrat refusé, que l'image du Sacré-Cœur est reprise par les contre-révolutionnaires, spécialement par les chouans dans leur combat contre la République. Cependant, il faut attendre encore un siècle pour que le pèlerinage sur la tombe de Marguerite Marie s'élargisse en dehors des cercles jésuites. Sa revitalisation est due, selon Michel Cinquin, au triple désastre qui affecte la France catholique à cette période. La perte du pouvoir temporel du pape, la proclamation de la République et la Commune de Paris. Et face à cela, et dans un mouvement de spiritualisation s'engage dans la société, cherchant dans la quotidienneté des signes de l'intervention divine. Ce phénomène est largement repris et encadré par un catholicisme intransigeant qui voit dans l'organisation de pèlerinage le double avantage de canaliser cet élan de piété populaire et de démontrer la vitalité de la France catholique. En janvier 1873, sous l'impulsion du jésuite Victor Brevon, des circulaires sont envoyées et des comités sont rapidement créés par des notables, principalement anarchistes, pour organiser et structurer le futur pèlerinage. L'été suivant, donc, l'été 1873, des milliers de personnes viennent chaque jour, généralement pour 48 heures, se recueillir sur les traces de Marguerite Marie. L'expérience se renouvelle les années suivantes, mais l'affluence de la première année, 200 000 personnes à la fin de la saison, entre juin et octobre, ne sera jamais retrouvée. Le pèlerinage perdure jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, qui est une véritable coupure dans la dévotion au Sacré-Cœur. En dehors des manifestations de l'Emmanuel qui ont cours à Parémonial à partir du milieu des années 70, l'événement majeur qui fait redécouvrir cette ville et la spiritualité qui tourne autour à un public catholique plus large, c'est la visite du pape Jean-Paul II, bien sûr, en octobre 86, année même où les sanctuaires sont confiés à la communauté. Alors voilà, dans l'histoire du catholicisme français, Parémonial, c'est donc un haut-lieu de la contestation anti-républicaine et ultramontaine. Soyons clairs, je n'avance pas ici l'idée d'une filiation directe entre l'Emmanuel et ses courants de pensée, mais inscrire son identité dans le sillage de la spiritualité parodienne permet de revendiquer par le poids de la tradition un argumentaire critique légitime face aux contestations intra-ecclésiales des années 1970. Il convient tout de même de préciser qu'interpréter l'identité de l'Emmanuel comme une réaction totale face aux conceptions pastorales de la génération précédente serait un peu simpliste. Hein. En effet, elle a repris largement à son compte des traits caractéristiques du discours de l'action catholique spécialisée, particulièrement autour de la thématique de la formation permanente, et cette notion joue à mon sens un rôle important dans le réinvestissement par les catholiques de la sphère publique, et notamment dans des débats qui tournent autour des politiques de l'intime. Parémonial a d'ailleurs incarné pendant l'épisode de la Manif pour tous un important rencontre de centre, un centre de rencontre et de réflexion politique. Voilà, à travers cet exemple, on voit bien comment ce type de réinvestissement d'une certaine piété populaire n'est pas nouveau dans l'histoire du catholicisme, mais il est entré en consonance forte dans le cas du renouveau charismatique catholique avec une autre force motrice constitutive, elle, du protestantisme, le revival. Cette notion, qui doit être connue par beaucoup de gens, renvoie à l'idée de vague successive de réveil d'une ferveur spirituelle affadie, endormie dans la quotidienneté de la vie ecclésiale. C'est en partie en réaction, par exemple, à la sotériologie calviniste que John Wesley, l'un des fondateurs du mouvement méthodiste, forge sa doctrine de la deuxième bénédiction. Elle insiste sur l'action concrète de l'Esprit Saint qui vient revivifier la foi du fidèle, convertir son cœur. La recherche de signes sensibles de ce renouvellement de la foi s'accompagne rapidement de manifestations visibles dans certains courants issus de ce réveil. Et c'est après plusieurs revivals successifs que ce phénomène sera nommé au début du XXe siècle le baptême dans l'esprit, et donc dans ce qui deviendra le mouvement pentecôtiste, et donc effusion de l'esprit dans ce qui deviendra le mouvement charismatique. Voilà, cet insiste dans le monde protestant me permet d'introduire le dernier temps de mon analyse qui sera plus bref, qui porte sur la manière dont ce recours à la vie populaire a permis d'inscrire dans un langage catholique des éléments directement issus du pentecôtisme, précisément. Voilà, alors je l'ai évoqué plus haut, c'est dans une logique pentecôtiste, c'est par le baptême ou l'effusion d'esprit que l'on renouvelle sa foi, que l'on naît de nouveau en tant que chrétien, en bref, que l'on se reconvertit. Dans le cas des membres de l'Emmanuel que j'ai rencontrés, la conversion est un parcours par lequel, au fil des rencontres, des lectures, des activités proposées, le fidèle apprend à tisser un rapport personnel avec Dieu. Il s'agit donc davantage d'une conversion intra-communautaire et interpersonnelle. Reste que les épisodes d'effusion de l'esprit existent, et ils sont généralement encadrés par des manifestations communautaires, et notamment lors de ce qu'on appelle des veillées de miséricorde. Voilà. Des veillées de miséricorde. Ces soirées sont des moments forts de session parémoniale. Elles consistent en un temps d'adoration eucharistique, ponctué par des louanges et l'expression de charisme. Plusieurs prêtres se tiennent généralement en retrait pendant toute la durée de la cérémonie pour confesser. Notons ici que l'importance de la confession comme seuil de la conversion est un modèle tout à fait classique au sein du catholicisme, comme l'attestent par exemple les travaux de Frédéric Bugelot. Mais l'élément qui favorise vraiment cette rencontre privilégiée avec Dieu, c'est bien l'adoration eucharistique, ce moment de présence réelle où le chrétien est physiquement proche du Christ ressuscité. Et dès lors, il est aisé de percevoir comment une certaine affinité élective peut exister dans le discours théologique entre l'effusion et l'adoration eucharistique. Et c'est dans cette ouverture que cela vous ferait l'Emmanuel. Ils sont deux moments de rencontre personnelle. Voilà. Et en ancrant l'effusion et l'expression de certains charismes dans une pratique de dévotion eucharistique, ces phénomènes se trouvent en quelque sorte inscrits dans un référentiel catholique. De plus, la solennité des séquences, il y a un certain recueillement, il y a des géniflexions, permet d'exprimer les charismes dans une ambiance beaucoup plus apaisée que dans certains milieux pentecôtistes, sans recours à la thématique de la possession ou la lutte contre les forces démoniaques. Voilà, alors cette affiliation de l'Emmanuel à une certaine piété populaire dépasse le cadre de parémonial. La communauté organise par exemple des sessions et des pèlerinages dans beaucoup de sanctuaires mariaux, à Libouchard, en André-Loire, à Beaurain et à Banneux en Belgique. Cette affiliation en acte se double en discours d'une solide formation hagiographique pour ses membres. Aujourd'hui, la communauté porte elle-même des saints devant l'Église. Jusqu'à récemment, par exemple, le père Bernard Pérouse postule à cause de béatification de Marthe Robin, célèbre mystique stigmatisée, fondatrice des foyers de la charité en 1936. En septembre 2015, une cause a également été ouverte pour Cyprien et Daphros Rugamba, assassinés à Kigali dès les premiers jours du génocide rwandais, qui étaient membres de la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Alors en conclusion, je dirais que ce phénomène ne doit aucunement être compris comme une sorte de calcul cynique, comme ça, mais plutôt comme une nécessité pour quiconque cherche à se développer là où bien des innovations ex nihilo sont réprimées, et surtout dans le contexte d'émergence du renouveau charismatique. Il est également un formidable observatoire de la capacité d'adaptation du renouveau charismatique à des contextes socio-religieux variés. La présence d'éléments issus de traditions a priori disjointes au sein de l'Emmanuel ne concerne pas uniquement la piété populaire. J'aurais pu à ce titre évoquer la question de l'accommodement au monde paroissial, hein, et comment on fait cohabiter deux modèles ecclésiologiques a priori disjoints, la congrégation et la paroisse. Enfin, je dirais que la variable classe sociale mérite une attention particulière dans l'étude de l'Emmanuel, bien au-delà de ce rapide tour d'horizon que je viens de dresser. Il me semble qu'une observation plus fine, que je n'ai pas eu l'occasion de mener jusqu'à présent, du trajectoire professionnel des communautaires, peut tout à fait être éclairante. De nombreux membres rencontrés viennent en effet du monde de l'entreprise, et un certain transfert de compétences professionnelles, de savoir-faire vers la sphère religieuse, mérite un travail que je prévois de mener sous peu. Ce phénomène joue selon moi un rôle prépondérant dans cette capacité qu'a aujourd'hui l'Emmanuel à visibiliser ses positions, notamment dans le champ politique. Voilà, je vous remercie de votre attention.